Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des contribuables dirigé par Benoît Taffin, assisté de Marie Villeneuve et de Bernard de Fabregue, diffusé en direct mardi 17 décembre 2013 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mercredi 18 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie, que vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Pour cette seconde partie de notre libre journal des contribuables, j'ai proposé à des amis, mais qui sont bien sûr également des experts, de venir débroussailler un sujet d'actualité, la soi-disant, je dis soi-disant, réforme fiscale proposée par notre Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Nous allons avec eux tenter de comprendre ce qu'elle pourrait bien recouvrir, si tant est que ce ne soit pas un simple effet d'annonce. Et puis peut-être aussi que nos invités nous expliqueront ce que pourrait être une vraie réforme fiscale favorable à tous les contribuables et productrice d'effets vertueux sur la croissance et l'emploi. J'ai donc demandé la participation d'Alain Mathieu, président d'honneur de Contribuables Associés, après en avoir été le président pendant 8 ans. Bonsoir Alain. Bonsoir Benoît. Alain Mathieu a souvent fait pendant les 8 ans de sa présidence des propositions et il a été et il est toujours un analyste pertinent des questions d'actualité fiscale. Je me réjouis également de la présence d'un autre expert qui a produit plusieurs études pour contribuables associés et qui a écrit il y a de nombreuses années un ouvrage pour une vraie réforme fiscale, donc je ne pouvais pas trouver mieux. Il s'agit de Jacques Bourdu. Bonsoir Jacques Bourdu. Bonsoir. Un troisième expert est avec nous, vous le connaissez, c'est Olivier Berthaud, c'est notre conseiller fiscaliste, il est là toutes les quatre semaines pour le libre journal des contribuables. Bonsoir Olivier. Bonsoir Benoît. Alors, on va faire, on le fait traditionnellement, le portrait de nos invités. Mais alors on va quand même pas faire celui d'Alain Mathieu et celui d'Olivier Berthaud. Donc, vous vous retrouvez tout seul à avoir droit à un portrait dressé par Marie Villeneuve, qui est toujours à mes côtés. Marie est responsable des réseaux sociaux et de la lettre d'information de contribuables associés. Et puis bien sûr, Bernard de Fabregue est toujours à nos côtés pour vos questions et messages. Alors je ne sais pas si le sujet de cette deuxième partie inspirera autant nos auditeurs, mais c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal avec les questions de la première partie. On n'a pas pu toutes les poser à notre député, mais en le raccompagnant, il m'a promis bien évidemment qu'il s'efforcerait de répondre à toutes celles qu'on va lui passer. Alors Marie, à vous pour le portrait de Jacques Bourdu, que nous avions invité dans cette émission, mais il y a bien bien longtemps. Ah oui, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, oui. C'est pour ça que je vous remercie encore plus de votre invitation. Avec plaisir. Jacques Bourdu, vous êtes polytechnicien et ancien chef d'entreprise, et bien sûr économiste. Vous êtes membre du Cercle Renaissance de Michel de Rostolan. Vous avez d'ailleurs reçu le prix Renaissance de l'économie en 2002. Vous avez publié plusieurs ouvrages et donné des conférences sur des sujets aussi bien économiques que politiques ou même historiques. Vous avez notamment écrit un livre sur l'armistice de 1940, dont le sous-titre est « Histoire d'une faute tragique, d'une guerre mal conduite à une soumission déshonorante ». C'est un livre de 2007. Vous êtes aussi sensible à la situation de crise vécue aujourd'hui par notre pays et vous vous êtes souvent interrogé sur les moyens de redresser la situation et sur les réformes à entreprendre. Dès 1998, vous avez publié un ouvrage intitulé « L'inévitable révolution économique, moins d'impôts, moins de dépenses et plus d'emplois ». Et à nouveau, vous avez traité ce sujet en 2005 avec un nouvel ouvrage qui s'intitule à peu près de la même façon « Une vraie réforme fiscale, moins de dépenses publiques pour moins d'impôts ». Entre-temps, en 2003, vous aviez publié un ouvrage préfacé par Philippe de Villiers et intitulé « Le redressement de la France est encore possible ». En tant qu'économiste, vous vous êtes aussi intéressé à la réforme nécessaire de l'éducation nationale. Et vous avez publié deux livres sur ce thème, « École, faire tomber la forteresse » en 2005, édité par SOS Éducation, et aussi « L'école et l'université, comment sortir de l'échec, simplifier, économiser » en 2008 aux éditions François-Xavier de Guibert. Et enfin, Benoît l'a déjà rappelé tout à l'heure, vous connaissez bien Contribuable Associé, pour qui vous avez rédigé deux monographies. L'une sur la flat tax, donc un impôt sur le revenu à taux unique. Alors flat tax, Marie, vous allez être la première à mettre un petit euro dans le cochon. Je donne aussitôt la traduction française, pour me faire pardonner. Donc il s'agit d'un impôt sur le revenu à taux unique. Et c'est un impôt qu'on peut qualifier de simple, d'attractif et d'efficace, qui a le mérite qui devrait être mieux connu en France. Donc, cette et flat, il faut peut-être dire quand même que ça veut dire plat en anglais et qu'il est proportionnel. Il est proportionnel, tout à fait. Donc celle-ci est parue chez Contribuable Associé en 2008. Et vous avez fait paraître une autre monographie chez Contribuable Associé en mars 2011, intitulée « Pour sortir de la crise, moins d'impôts et moins de dépenses publiques ». Merci Marie. Alors quand même, je ne voudrais pas qu'on soit en reste avec Alain Mathieu parce que il est également prix Renaissance de l'économie du Cercle Renaissance. Alors moi aussi, c'est un club hein, ce soir. Et Alain Mathieu a donc aussi écrit deux ouvrages pour Contribuables, enfin pas pour Contribuables Associés, mais quand il était président de Contribuables Associés. Le modèle antisocial français et le second, c'est Mythe qui ruine la France. Voilà. Donc, je ne sais pas si les auditeurs auront noté, on en reparlera à la fin de l'émission, parce que généralement, nos auditeurs sont de grands lecteurs et ils auront probablement pas retenu les titres de tous les ouvrages que l'on a annoncés. Alors, Jean-Marc Ayrault s'est exprimé récemment auprès de la presse, je crois que c'est en marge de son voyage en Chine, et alors il a dit, à propos des consultations qu'il est en train de mener, « Avec tous mes interlocuteurs, nous avons parlé du niveau de la dépense publique ». Alors autant vous dire que ça a attiré mon attention. J'espère qu'ils en ont tous parlé pour convenir de la baisser, puisque c'est ce que nous souhaitons, dire à M. Ayrault s'il avait le bon goût de répondre à la lettre que nous lui avons envoyée en lui demandant de nous consulter aussi. Il préfère pour l'instant consulter les syndicats, les forces vives de la nation et les divers partenaires sociaux. Mais enfin, on ne désespère pas d'avoir une réponse. Alors, au-delà de ce qui est de la dépense, ce qui maintenant est, je crois, une évidence pour nous tous ici, bien sûr, et pour tous nos auditeurs, pas de réforme fiscale sans baisser la dépense, c'est le mot d'ordre. Pourrions-nous faire un petit peu autour de cette table œuvre de pédagogie sur plusieurs points qui ont été évoqués à un moment ou à un autre par Monsieur Ayrault. Donc, il a évoqué, c'est sans doute ce qui a été repris le plus souvent, une fusion de l'impôt sur le revenu avec la CSG. Il a évoqué la mise en place d'une retenue à la source. Pour ce nouvel impôt, d'ailleurs. Et en ce qui concerne les charges qui pèsent sur les entreprises, dont beaucoup dénoncent leur lourdeur, il a parlé de la nécessité de faire le tri entre ce qui relève de l'impôt et ce qui relève de la cotisation. Alors, je vais bien sûr me tourner vers vous trois, messieurs, mais peut-être qu'on pourrait commencer par Olivier Berthaud. Est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, poser le décor, si je puis dire, et bien nous dire quelle est la différence entre, bon, fusionner, mais deux choses qui sont très différentes, l'impôt sur le revenu et la CSG. Nous dire un petit peu ce qu'est une retenue à la source et peut-être nous dire de quoi sont faites les cotisations, les charges des entreprises. Voilà, excusez-moi, en quelques oui, on va essayer. Minutes, c'est une gageure. Oui. Mais... non, effectivement, non. Déjà, il faut distinguer ce qu'est l'impôt et les cotisations sociales. Un impôt est un prélèvement obligatoire qui en principe n'est pas affecté. C'est-à-dire après, l'État en fait ce qu'il veut pour pour ses charges, pour ses dépenses, pour ses missions régaliennes. Normalement, un impôt au principe n'est pas affecté. Maintenant, il y a des impôts qui sont affectés. Dans ces cas-là, ça reste un impôt s'il n'y a pas de contrepartie. C'est la différence. Ce sont les deux différences essentielles. Tandis que les cotisations sociales, elles, sont affectées à la caisse d'allocation familiale, à la caisse nationale d'assurance maladie, et surtout donnent droit à contrepartie. C'est-à-dire que quand vous versez une cotisation sociale, normalement, vous avez droit à une retraite, à une couverture maladie, à des allocations familiales. Il y a des contreparties. C'est la différence essentielle entre la cotisation sociale et l'impôt. C'est pour ça que d'un côté, on a des prélèvements obligatoires à fonds perdus, les impôts. De l'autre, normalement, qui ne sont pas à fonds perdus, qui sont les cotisations sociales. Maintenant, effectivement, comme souvent, c'est avant tout de l'assurance, bah, c'est pas réparti en fonction de ce que vous avez versé. C'est plutôt réparti en fonction de ce que vous avez gagné. Alors, évidemment, là, ça permet de poser le débat en matière, justement, donc de fusion impôt sur le revenu et CSG. Pourquoi est-ce qu'on veut fusionner impôt sur le revenu et CSG? Bon, déjà, deuxièmement, parce que ça fait un peu deux impôts qui font double emploi. Et ensuite, parce que l'impôt sur le revenu est l'impôt, en quelque sorte, emblématique en France. Le principe du consentement à l'impôt, c'est l'impôt sur le revenu. La CSG, elle, par contre, est arrivée bien après, mais a un gros avantage, c'est qu'elle est prélevée à la source, c'est qu'elle a une assiette très large, une base, un taux relativement simple, et elle est facile à recouvrer, et elle a un gros avantage maintenant, c'est qu'elle rapporte deux fois plus que l'impôt sur le revenu. Ce qu'on oublie, c'est qu'effectivement, l'impôt sur le revenu, c'est entre 50 et 60 milliards d'euros selon l'état des finances des ménages, je dirais, tandis que la CSG, si on ajoute la CRDS et les autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, on dépasse maintenant les 100 milliards d'euros. Alors effectivement, fusionner, et alors la question c'est, est-ce qu'on peut les fusionner? Pourquoi pas? Le problème effectivement, c'est que l'impôt sur le revenu est un impôt qui n'est pas affecté, et donc il est un véritable impôt. La CSG, la question s'est posée, est-ce que c'est un impôt? Est-ce que c'est une cotisation sociale? Alors d'un côté, comme c'est affecté à la dépense sociale, on peut dire que ce n'est pas vraiment un impôt, mais comme il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire on verse la CSG même si on n'est pas couvert, même si on n'a pas de prestations en retour, donc c'est en cela que cela reste un impôt. Et c'est emblématique, je dirais, c'est symptomatique des problèmes de nos impôts actuellement, c'est qu'effectivement on ne fait plus le distinguo maintenant entre impôt et cotisation sociale, et surtout on se rend compte que les dépenses sociales ont pris le pas sur les autres dépenses publiques, et non, même l'impôt ne se distingue plus des charges sociales ou les charges sociales contenues des impôts, parce que la dépense sociale est importante. De toute manière, il faut sans arrêt créer de nouveaux pour subvenir de la dépense sociale. Mais merci, parce que planter fort bien le décor. Est-ce que Mathieu, vous voudriez ajouter quelque chose? On est toujours plutôt sur le constat de ce qui se passe actuellement, avant de faire des propositions. Bon, on peut peut-être dire pourquoi Jean-Marc Ayrault a fait cette proposition de remise à plat. Et il a fait cette proposition, en réalité, c'était pour gagner du temps. Parce que, après son cinquième recul sur les impôts, puisque le gouvernement a reculé cinq fois sur les impôts, à la suite de différentes manifestations, les pigeons, les bonnets rouges, etc., à la suite de ce cinquième recul, il avait décidé de faire des assises de la fiscalité des entreprises qu'il avait promises au patronat. C'est-à-dire faire en sorte que nos charges sur les entreprises deviennent un peu plus compétitives qu'elles ne sont actuellement, parce qu'elles sont beaucoup plus élevées que celles de nos concurrents, y compris l'Allemagne. Et donc, il avait promis que ces assises commenceraient en 2013, pour des résultats en 2014. Et là, il a noyé le poisson, en disant non, on ne va pas s'occuper uniquement des entreprises, on va s'occuper aussi des ménages, de cotisations, etc. Mais on va le faire pour le budget de 2015, qui sera discuté donc à la fin de 2014. Donc, autrement dit, les décisions de simplification ou d'allègement d'impôts vont être retardées d'un an. C'était une façon de gagner du temps. Et on sait qu'il voulait gagner du temps parce qu'il voulait préserver son poste de Premier ministre. C'est ce qui a été dit, en tout cas. Mais écoutez, C'est peut-être anecdotique, mais enfin, c'est une explication. Non, c'est intéressant. De la façon dont a été enclenchée cette remise à plat. Cette soi-disant remise à plat, et dont il a dit, toujours en marge de son voyage en Chine, que ça prendrait deux mandatures. On est maintenant sur 10 ans. Il l'a dit à la presse, il a dit « Oh là là, ça ne se fait pas comme ça, ça se fera. » Enfin, c'est même plus compliqué. Il avait dit donc que ça serait dans le budget de 2015. Et puis François Hollande a dit « Mais non, mais ça va être sur toute la, la durée de mon mandat de président, donc jusqu'en 2017. » Et alors Hérault a rajouté une couche en plus en disant « Maintenant, ça sera sur 10 ans qu'on va faire cette réforme fiscale. » Ça fait quand même pas très sérieux tout ça. Toujours sur le constat, Jacques Bourdu. Vous aimeriez ajouter quelque chose ? Le constat, c'est que c'est uniquement un fait politique de vouloir engager une réforme fiscale, car la première priorité, c'est de réduire les dépenses. Tant qu'on ne réduira pas les dépenses, on ne peut pas envisager une réforme fiscale, parce qu'une réforme fiscale, normalement, doit correspondre à une baisse d'impôts, c'est ce que la société attend, et non pas le maintien. Et alors, comme ça dit Alain Mathieu, donc c'est pour gagner du temps. Car tout le monde comprend très bien que la situation que l'on a depuis un an et demi, ça ne peut pas durer comme ça encore 3 ans. Et même plus, puisqu'on parle que les mesures seront effectives à 10 ans. Bien. Alors, les dépenses, il faut quand même donner un ordre de grandeur de ce qu'il faut faire, d'abord les dépenses. La monographie que nous avons présentée, c'est, sur 5 ans, 150 milliards de réduction des dépenses. Alors, il faut dire que c'est difficile en France, car les Français sont allergiques, sont liés à la dépense, et leur gouvernement aussi. Depuis des décennies, on augmente. Alors, on vous dit, oui, mais si vous diminuez de 150 milliards, c'est l'austérité. Non, c'est simplement une lutte contre la gabegie et les gaspillages. Par exemple, l'Allemagne, qui a 200 milliards de dépenses de moins que nous, a quand même 220, des services sociaux, des retraites, et tout cela. Autrement dit, la différence, c'est du gaspillage. Hein, c'est gaspillage. Alors, du gaspillage, on peut essayer de voir dans quelle zone. Hein. Alors, il y a quand même 3 choses dans la réduction des dépenses. Il y a l'État, proprement dit, ses annexes, il y a les collectivités locales, et il y a le social. Et les dépenses sociales, là, nous battons tous les records. Elles dépensent 500 milliards en France. Là, on bat tous les records. Donc, faut jouer sur l'État, les collectivités locales, bien sûr le millefeuille qui s'accentue d'année en année, il faut arrêter ça. Et les dépenses sociales, il faut quand même revoir surtout l'assurance maladie et les retraites. Voilà, c'est ça. Alors, la première chose, c'est la réduction des dépenses. Alors, je peux passer un mot sur la fiscalité. Alors, la fiscalité, évidemment, il faut cette association de l'impôt sur le revenu et de la CSG, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais à l'inverse des socialistes, parce que les socialistes, en gros, ils veulent que la CSG suive la filière de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire soit progressive. Bien. Alors que moi, personnellement, je pense qu'il faut instaurer, je ne veux pas prendre le mot américain, la taxe plate, là c'est quand même français, hein. Installer la taxe plate à taux unique, c'est donc de rapprocher les deux, mais en se rapprochant de la CSG qui, elle, est à taux unique proportionnel. Alors on vous dit, mais c'est la proportion, c'est pas valable, c'est pas dans la Constitution. Eh bien, il est dit quand même dans la Ligue, dans les droits de l'homme et du citoyen, qui sont comme préambule à notre Constitution, ça c'est l'article 13, en disant que tous les contribuables, les contributions doivent être réglées par les citoyens en fonction de leur faculté. En raison de leur faculté, ce qui veut dire proportionnel. Ça veut dire proportionnel. Alors je vous laisse signer, puis je me retournerai vers Alain Mathieu. Pour voir les détails pour que ce soit acceptable par tout le monde. Alors moi je voulais me tourner vers Alain Mathieu, parce que je suis bien placée pour le savoir, un contribuable associé. Vous avez toujours été favorable, Alain, vous n'avez pas attendu que ça vienne sur l'actualité, que ça vienne dans l'actualité avec Jean-Marc Ayrault. Je vous ai toujours entendu dire que vous étiez favorable à cette fusion des deux impôts. Oui, mais dans les conditions que vient de dénoncer notre ami Bourdu. Parce que c'est cette fusion, à partir du moment où on remplace deux impôts par un seul et qu'on le met proportionnel, ça devient un impôt qui est beaucoup plus facilement acceptable. Mais je voudrais aussi préciser ou dire, confirmer ce qu'a dit M. Bourdu. C'est vrai, Jean-Marc Ayrault a dit, quand il a lancé sa remise à plat, elle se fera à prélèvement obligatoire constant. Or, on ne peut pas faire de réforme fiscale à prélèvement obligatoire constant, comme vous venez de le dire, mais pour une raison très simple, c'est que si on fait un prélèvement obligatoire constant, ça veut dire qu'il y aura des perdants et des gagnants. Tout à fait. Bon, mais si on veut que ça marche, il faut qu'il y ait plus de gagnants que de perdants. Sinon, ça ne marchera pas. Et pour qu'il y ait plus de gagnants que de perdants, il faut qu'il y ait une baisse générale des prélèvements. Sinon, on est sûr qu'il n'y aura pas de réforme fiscale. Parce que les perdants sont toujours plus énergiques et plus réclamants et réclament davantage que les gagnants. Donc on ne peut réussir une réforme fiscale qu'en étant, comme vient de le dire notre ami Bourdieu, avec une baisse importante de la fiscalité. Donc je crois que c'est... Oui, tout à fait. Donc, qui peut faire penser qu'il y aura, sinon que des gagnants, en tout cas une majorité de gagnants. Mais est-ce que vous ne croyez pas, tous les deux, là je m'intéresse à tous les deux, que là on est dans l'idéologie des socialistes et que la réforme fiscale qui amènerait les riches à payer plus ne les choque pas outre mesure? S'il y a qu'eux qui étaient les perdants, après tout, je pense qu'ils s'en débrouilleraient politiquement, non? C'est pas ça le risque? Mais il faut savoir que déjà 72% de l'impôt sur le revenu est payé par les 10% des revenus les plus élevés. Donc, si on veut en plus accroître leur prélèvement en rendant progressive la CSG, on ne réussira pas. Il y aura trop de perdants et ça ne marchera pas. Les perdants sont vraiment trop perdants. Ils quitteront la France encore plus. Bien sûr, et donc les recettes baisseront. C'est le risque qui est couru dans une réforme comme celle-là, les recettes. Alors que si on baisse les taux, il peut arriver qu'au contraire, les recettes augmentent. Jacques Bourdieu. Oui, alors, le taux, c'est un point capital si on fait une union. Il faut que ce soit proportionnel. Et la publication, qui date de quelques années, de 2-3 ans déjà, on avait proposé 10%. 10% sur tout, c'est-à-dire un impôt à taux réduit, mais assiette large. Et le 10% correspond exactement à 10% des revenus des Français. Alors, ce 10%, ce 10% reçoit l'agrément de beaucoup de gens. Alors évidemment, beaucoup disent « Ouais, mais enfin, les riches, vous n'allez pas leur faire payer 10%, c'est pas de la justice fiscale. » Alors j'ai ajouté deux choses, des réformes par le haut et par le bas. C'est-à-dire par le haut, j'avais pensé à mettre une taxe complémentaire au-delà de 300 000 euros par personne. Et avec un taux de 20%. Autrement dit, le curseur, vous pouvez changer. J'ai mis 300 000, on peut mettre 500 000, on peut mettre moins, et puis 20%. Donc vous faites quand même payer les riches, un peu plus. Oui. Les gens qui gagnent... Ah oui, mais j'ai eu des gens aisés qui trouvent que c'est formidable. La partie au-dessus de 300 000 euros par personne, hein, je ne dis pas par ménage parce que c'est compliqué, mais par personne, on met 20%. Donc 20 plus 10. Pour la phase préliminaire, on mettra 12, parce que je vais expliquer pourquoi. Douce parce que ce que je dis n'est plus valable, parce que depuis que j'ai fait les papiers, c'était sur les bases de 2010, l'impôt sur le revenu a augmenté de 40% et tous les impôts d'État ont augmenté de 20%. Donc, augmenter de passer 10 à 12, ce serait uniquement jusqu'au moment où on sort de la crise et le but, c'est quand même 10. Enfin, je confirme, c'est même 13, si on veut... 13, c'est les Russes qui font 13. Non, mais les 13, il y a d'autres pays qui font 13. Non, mais pour arriver à peu près au même résultat de recettes, oui, il faudrait passer la CSG à 13% en moyenne pour avoir les mêmes recettes que l'impôt sur le revenu plus CSG actuellement. C'est ça. Mais le but, c'est quand même de réduire la dépense, la dépense fiscale. Oui. Hein. Donc, C'était à 13, ce serait déjà pas si mal. À 13%, donc si on suit bien. Et puis je me retournerai vers Olivier Berthaud pour une ou deux précisions techniques. J'essaye d'être le plus clair possible pour des auditeurs qui, comme moi, ne sont forcément pas des fiscalistes, même si moi, un contribuable associé, je finis par baigner dedans. Si je comprends bien, cette taxe à taux unique qui regrouperait à la fois notre impôt sur le revenu et la CSG. On supprimerait l'impôt sur le revenu. Hein, on supprimerait. C'est supprimer l'impôt sur le revenu. C'est tout à fait ce que dit Alain Mathieu, c'est de ramener sur le. Et on augmente la CSG à 13%. C'est la CSG qui devient l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc la CSG à 13%, si je vous ai bien compris, ouais. Alain Mathieu, rapporterait la même chose qu'actuellement deux impôts, à la fois impôt sur le revenu CSG. Mais ça reposerait sur une assiette plus large. Alors c'est là où je voulais me tourner vers Olivier Berthaud. Non, l'assiette de la CSG serait l'assiette actuelle. Oui. Alors, quelle est l'assiette actuelle de la CSG par rapport à l'impôt sur le revenu? Pour que nos éditeurs comprennent bien que si on fusionne deux choses très différentes, il faut quand même se mettre d'accord. Oui, justement, parce que moi j'avais tendance à dire plutôt que de supprimer l'impôt sur le revenu et de maintenir uniquement la CSG, j'aurais plutôt eu tendance à faire disparaître la CSG et à ne conserver que l'impôt sur le revenu, mais qui serait prélevé comme la CSG. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que la CSG, comme je l'ai dit, est un impôt affecté affectés. Alors si maintenant l'impôt sur le revenu sert uniquement à payer les dépenses sociales, c'est un peu gênant. Donc il faut surtout séparer ce qui est impôt. Ça serait plus affecté. Voilà, justement, donc c'est ça, il ne faut pas oublier. Voilà, donc l'impôt d'un côté, voilà, les cotisations sociales de l'autre. Je pense qu'il faut bien distinguer. Et après, effectivement, il faudra résoudre le problème justement donc, de la CSG, qui a cette particularité d'être assise à peu près sur tout. Tous les revenus, quels qu'ils soient. Tous les revenus sont soumis à la CSG. La CRDS a même une assiette encore plus large, parce que, par exemple, les prestations familiales, les allocations familiales sont soumises à CRDS. Donc, vous voyez, donc, là, c'est encore plus large. Maintenant, ce qui différencie, c'est que quand c'est une CSG sur les revenus du travail, sur le salaire, sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur les pensions de retraite, c'est prélevé par l'URSSAF, ou reversé à l'URSSAF, comme une cotisation en social, en fait. Sauf que ça reste un impôt, tandis que quand c'est la CSG sur les revenus du patrimoine, les revenus fonciers ou les dividendes d'actions, là, c'est prélevé par le Trésor. Donc là aussi, il va falloir résoudre ce problème de savoir qui s'occupe de plutôt le Trésor, je pense, que l'URSSAF. L'URSSAF n'a pas à s'occuper des impôts. L'URSSAF, c'est quand même du droit du travail, c'est les partenaires sociaux, c'est pas censé être les impôts. Après, le taux est différent. Actuellement, effectivement, sur les revenus du travail, en gros, on est à 8% pour de CSG et CRDS sur les revenus du travail, et on est à plus de 15%, 15,5% pour les revenus du patrimoine. Donc là aussi, il va falloir... Le problème, c'est qu'effectivement... Et on est à moins pour d'autres revenus, la CSG, comme les retraites, voilà, ou comme... Voilà, il faudra harmoniser les aussi. Les indemnités de chômage, voilà, ou les indemnités, ouais, maladie, qui sont à 6%. Où on paye quand même une CSG, mais ouais, à 6%. Voilà, et on est à 3,8% aussi, si le revenu est inférieur. Non, justement, ouais, ça c'est la CSG à 3,8% est une aberration totale. Parce qu'au moins, il y a une exonération pour les bas revenus, mais 3,8%, c'est si vous avez des revenus plus élevés, mais que vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Et en général, qui a des revenus plus élevés et ne paye pas d'impôt sur le revenu? Ceux qui y défiscalisent. Donc, pas vraiment les pauvres. Donc, ce sont ces gens-là qui défiscalisent, qui se retrouvent avec une CSG d'un taux réduit. Donc, ce qui prouve que la CSG, déjà, en elle-même, il faut aussi la réformer, parce que elle c'était aussi simple, la simplifier. Au début, devient de plus en plus complexe. Jacques oui, Bourdieu. Alors, il faut bien comprendre qu'on fait une taxe plate, hein, je peux utiliser le terme. Donc ça veut dire avec un taux unique. Un taux unique, mais valable de zéro. Alors il n'y a pas d'abattement à la base. Tout le monde paye, le 10% sur tout. Il faut une simplification, parce que sinon c'est compliqué. C'est les entreprises, ça change, il y a abattement, pas abattement, ça. Mais on complète par deux choses. En haut, on a dit une taxe complémentaire, et en bas, il faut jouer des taxes, enfin des aides sociales. C'est-à-dire, on prend nos aides sociales, mais il faut bien les adapter, qu'elles soient utiles. C'est exactement ce que précisait Alain Mathieu, hein, en disant l'antisocial français, parce que les aides sociales ne vont pas à ceux qui le méritent. Donc il faut analyser ça de très près, c'est-à-dire en bas de l'échelle. Le monsieur qui sera au SMIC paiera 10% là-dessus, mais on donnera une aide sociale, etc. Et est-ce qu'on paiera également ce pourcentage-là sur les aides? Est-ce que les revenus d'allocation seraient, dans votre idée, également taxés? Le problème, c'est que la base, l'assiette doit être la plus large possible. Hein. Alors, et l'avantage d'un... Je mets 10%, c'est-à-dire... Ok, nous ne battons pas sur le pourcentage, plutôt sur le principe. Non, mais justement, c'est un taux auquel on ne triche pas. Si vous avez un impôt de 20-30%, on triche 10-12%, personne ne trichera. Ça s'est montré comme ça dans les pays où c'est appliqué. Bien. Et ça... C'est le seul moyen que ce soit pris à la source. Pour les entrepreneurs, c'est parfait. Alors ça, on va en parler après de là. On va en parler après de là. Retenu à la source. Deux mesures, en haut, par la taxe complémentaire, et en bas, par des aides sociales. Voilà. Alain Mathieu. Oui, je vais peut-être m'inscrire un peu en faux, ou en tout cas... Débattons. Notre ami Bourdieu. Il y a 41 pays dans lesquels la flat tax, actuellement, est en application. Donc ça a énormément augmenté dans les années récentes. Il y a les pays de l'Est, mais il n'y a pas que les pays de l'Est. Tous les pays de l'Est. Oui. Autour de nous, il y a des petits pays comme l'Andorre, comme Jersey, Guernesey, etc. Vous avez les Seychelles, vous avez les Maurice. On va vous dire que c'est des presque paradis fiscaux. Effectivement, mais la flat tax, ça transformerait peut-être la France en paradis fiscal. Peut-être que la simplification est un élément du paradis. Oui. Alors, sur ces 41 pays, il n'y en a qu'un. C'est la Géorgie qui n'a pas d'abattement à la base. Tous les autres, les 40 autres, ont un abattement à la base. Un abattement à la base parce que les gens qui ont peu de revenus, il est un peu normal qu'on ne les impose pas. Oui, mais laisser terminer, Alain. Ceux qui sont passés, des régimes comme le nôtre, parce que les pays de l'Est qui sont passés à cette... impôts à taux unique, ils avaient comme nous des impôts avec des tranches variables, enfin un impôt sur le revenu qui était semblable au nôtre. quand ils sont passés à l'impôt à taux unique, ils ont l'impôt qu'ils avaient, comme le nôtre, à un abattement à la base. Vous avez une tranche à 0% qui va jusqu'à, si je ne veux pas dire de bêtises, 5 964 euros par an. Jusqu'à 5 964 euros par an, actuellement, en France, vous payez 0%. Et vous déduisez de vos revenus, quand vous avez plus de 5 964, vous déduisez la tranche à uniquement 0%. Pour l'impôt sur le revenu, vous pouvez être amené à payer de la CSG sur cette somme-là. Non, non, mais je vous dis, oui, c'est vrai. Mais je suis en train d'expliquer comment ça s'est passé dans les pays qui ont actuellement la flat tax. Donc ils avaient comme en France, les 5 964 de la tranche à 0%, ils avaient eux aussi une tranche, un abattement à la base, puisque on déduit ces 5 964 de tous les revenus ensuite, puisque c'est la tranche qui est à 0%. Quand ils sont passés, s'il n'y a plus de tranche, c'est plus la peine. Quand ils sont passés au taux unique, ils ont presque tous augmenté leur abattement à la base qu'ils avaient avant. En général, ils l'ont doublé. Donc, ils sont passés à un abattement à la base supérieur à ce qu'il y avait. Donc, ce qu'ils ont actuellement, c'est ce qui se passe dans la réalité. Je ne dis pas que l'idéal serait peut-être le vôtre, serait peut-être de ne pas avoir d'abattement à la base, mais ce qui se passe actuellement dans les pays qui ont cet impôt au taux unique, ils ont le taux unique, mais avec cet abattement à la base. Ce qui fait en fait, c'est un impôt progressif sur le revenu. Oui. Puisque jusqu'à la base, vous payez zéro, et ensuite vous payez un taux croissant qui va jusqu'au taux de... c'est pas compliqué. C'est toujours un impôt à taux unique, qui est progressif. Alors attendez, le taux est unique, juste une question un peu peut-être naïve. Le taux est unique, et vous avez effectivement, vous dites, pour les gens les plus modestes, peut-être faut-il rester avec... Mais pourquoi voulez-vous, parce que vous exonérez les gens qui payent moins de temps, pourquoi voulez-vous le répercuter sur des tranches, puisqu'il n'y aura plus de tranches? Le mécanisme de tranche ou d'abattement à la base, c'est pareil. L'abattement à la base, c'est ce qu'on déduit de vos revenus qui est à taux zéro. Alors, je repose ma question autrement. Pourquoi ne pas simplement dire... Pourquoi faire ce que vous appelez un abattement? Pourquoi ne pas dire simplement que les revenus en dessous de temps ne sont pas imposés? Et ensuite, vous commencez votre taux proportionnel. Ça me semble quand même beaucoup plus simple. C'est une autre solution. Parce que non, dans la solution d'Alain Mathieu, chacun retirait, comme avec notre système actuellement de tranches, si j'ai bien compris, chacun retirait de ses revenus cet abattement. L'utilité. C'est pas ma solution, c'est la solution adoptée par 40 pays. Dont vous parliez. Ok, on peut peut-être faire plus simple, me semble-t-il. Parce que l'abattement à la base, ça va devoir être compliqué. Ça exclut la retenue à la source. Non, pas du tout. Dans tous les pays où il y a... Les entreprises vont faire des calculs. Dans tous ces pays, il y a la retenue à la source. Qu'ils connaissent les revenus hauts, qu'ils connaissent le quotient familial. Mais pas du tout. Je vais jusqu'au bout de ma démonstration. On va essayer. Donc Jacques Bourdieu est pour un système... encore plus simple, si je puis dire, dans lequel il n'y a pas d'abattement. Dans ce système-là, il n'y a pas de déclaration d'impôt à faire. Bon, sauf les gens qui gagnent plus de 300 000 euros, c'est-à-dire moins de 1%. Alors ceux-là feront une déclaration, bien sûr. Mais 1% et 99% n'auront pas de déclaration à faire, c'est fait automatiquement. Et pour les entreprises, c'est simple. Parce que quand on cherche des systèmes d'abattement ou autres, c'est les entreprises qui vont être obligées d'embaucher des comptables pour préparer tout ça. C'est compliqué. Il faut quelque chose de simple. Alors, je reviens aussi sur cette taxe. La retenue à la source après. La taxe plate, l'assiette doit être la plus large possible. Autrement dit, c'est les revenus, les rémunérations, mais toutes les allocations. Des allocations de droite et gauche, des indemnités, des indemnisations, toujours, vous prenez 10%, 10%, 10%. Et on va même plus loin, les plus-values, l'ensemble des plus-values, c'est taxé à 10%, et au-delà de 300 000, c'est taxé à 20%. Bien, ce sera un énorme progrès et d'une grande simplicité. Parce que ce qu'il faut rechercher, c'est la simplicité. Il faut que ce soit populaire. Alors, ce qui est vrai que dans les pays scandinaves, les allocations sont incluses dans les revenus. Et on paie des impôts sur ces allocations. Pas seulement les familiales, mais l'allocation logement, etc., toutes les allocations. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, où il n'y en a que quelques-unes sur lesquelles on paie des impôts. Et on en parle de plus en plus, parce que comme on voit maintenant paraître des informations sur des gens qui vivent très très très bien exclusivement d'allocations, c'est vrai que ça soque les gens. Je vous interromps tous un instant pour dire aux auditeurs qui auraient pris cette émission en cours de route que c'est la seconde partie du Libre Journal des contribuables sur Radio Courtoisie, que nous parlons de la réforme fiscale, peut-être celle proposée par Monsieur Hérault, à moins qu'il ne fasse semblant, ou peut-être une réforme fiscale vraiment utile et efficace. Alors, autour des micros, Alain Mathieu, qui est président d'honneur de Contribuables Associés, et Jacques Bourdieu, qui est économiste et ancien chef d'entreprise, tous deux polytechniciens. Et pour Alain Mathieu, aussi bien évidemment chef d'entreprise, il a fait autre chose avant de nous rejoindre à Contribuables Associés. Et puis nous avons Olivier Berthaud, qui est notre conseiller fiscaliste. Je suis toujours assistée de Marie Villeneuve, qui est chargée des réseaux sociaux et de la lettre d'information de Contribuables Associés, et de Bernard, qui va lire vos premiers messages. Je vois qu'il en est arrivé quelques-uns. Je vous rappelle que vous pouvez nous les adresser en téléphonant au 01 46 51 00 85, et par internet courtoisie@radiocourtoisie.fr. Alors Bernard, des questions d'auditeurs. Un auditeur qui regrette qu'on ne puisse vérifier les informations données. Il dit en Allemagne ça ne se passe pas aussi bien que cela. Où vont nos impôts? Voilà le vrai problème. Pourriez-vous revenir sur les deux cas suivants? Alors il les cite. La famille de Leonarda a coûté 640 000 euros, selon un article du Figaro, en 4 ans et demi. Le fils de Fabius a pu bénéficier d'un prêt de 7 millions d'euros pour acheter un appartement de très haut standing, alors qu'il n'a pas de revenus. Trop, c'est trop. Qu'en dites-vous ? Donc là, c'est une question qui nous ramène au gaspillage et aux dépenses. Bah, bien volontiers. C'est vrai qu'on avait exceptionnellement, parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup des gaspillages et des dépenses, on avait aujourd'hui convenu de parler de la réforme fiscale, mais on peut tout à fait répondre à ces questions. Vous en avez d'autres ? Oui, d'autres. Une auditrice nous dit « Les travailleurs étrangers, ils sont quatre dans mon immeuble, ne restent souvent que 5 mois et demi afin de ne pas payer d'impôts. Ils reviennent l'année suivante. » Et entre-temps, d'autres les remplacent. C'est un système très bien rodé. Un autre auditeur, une bonne économie serait par exemple de supprimer la prime de Noël. 20 millions d'euros pour que touchent les ministres et leurs collaborateurs. 2258 personnes vont en profiter. Et les Français, eux, se serrent la ceinture. Vous en voulez une autre? Bon, on est toujours. Oui, autre maîtrise des dépenses. Ne faut-il pas, par exemple, supprimer la CMU et l'AME ? Oui, l'arrivée des immigrés tunisiens, par exemple, à la suite du printemps arabe, nous a coûté 1,2 milliard d'euros. Et, autre sujet, 10 millions de cartes vitales circulent frauduleusement. Ok, d'accord, on peut répondre à un certain nombre de questions sur les gaspillages, on reviendra à une éventuelle réforme fiscale qui bien évidemment, et comme je l'ai dit dès le début de l'émission, est secondaire à nos yeux par rapport à une baisse de la dépense publique, nos auditeurs ne se trompent pas. Simplement, comme les journaux en parlent, comme les politiciens en parlent, comme l'actualité en parle, on voulait essayer d'éclaircir les termes utilisés et les choses, parce qu'on est intéressé quand même de savoir à quelle sauce on est mangé. Alors après, bien évidemment, on nous prend notre argent pour, comme disait le premier auditeur, pour pas toujours en faire ce que l'on voudrait. Différentes réponses. Ces questions correspondent au thème essentiel, c'est-à-dire de réduire les gaspillages. On a parlé des cartes vitales, etc. Donc, je rappelle que les dépenses sociales correspondent presque à 500 milliards, et nous avons le record du monde des dépenses sociales. Donc, il y a du gâchis. C'est-à-dire qu'on peut assurer aux Français un niveau de vie comparable, des prestations sociales comparables, en dépensant beaucoup moins. Alors évidemment, dans les dépenses, les gens, les 150 milliards que nous évoquons, ça fait frémir, mais c'est très, très facile, en 5 ans, c'est relativement facile. Alors il faut rappeler que le deuxième point, c'est les recettes, les prélèvements obligatoires. Là, ce qui est proposé, c'est 100 milliards en 5 ans. 100 milliards en 5 ans, ça nous ramènerait à la moyenne européenne. Ça correspond à 46% du PIB. hein, 46%, et tous les pays, y compris Angleterre et Allemagne, sont au-dessous de 40. Alors, vous voyez, ça fait des dépenses, ça fait plus de 100 milliards. Donc, il faut réduire ça, et dans la réforme de la taxe plate, disons ça, la réforme appelons-la comme ça, ouais. Générale, faut que ce soit réduit, bien entendu, pour passer dans ces 100 milliards. Dans ces 100 milliards, on peut en parler d'autres domaines, il faut faire des réductions partout, et on peut le faire, si vous voulez. Alors, on a cité les cartes vitales, c'est scandaleux, enfin, dans le social, il y a au moins 20 ou 30 milliards de gaspillage. Alors, je vais peut-être me tourner un instant vers Alain Mathieu, puisqu'il a écrit le modèle antisocial français. Alors, sur les gaspillages dans le social, peut-être un mot des principaux points sur lesquels vous aviez mis le doigt dans votre livre et qui n'ont rien perdu de leur actualité. On gaspille dans tous les domaines en France. Hein. Ouais, alors, si on prend, on peut prendre une par une les différentes prestations. Si on prend les prestations d'assurance maladie, elle nous coûte plus cher qu'à l'étranger, l'assurance maladie, et on n'est pas pour autant mieux soigné ni moins cher. Donc, la raison. Il y a plusieurs raisons. Si on compare avec l'Allemagne, par exemple, pour l'assurance maladie, on constate que les cotisations d'assurance maladie en Allemagne sont beaucoup plus basses parce que il y a la concurrence qui existe en Allemagne. Vous pouvez vous assurer à plusieurs caisses. Vous choisissez entre différentes caisses et vous prenez celle qui vous convient le mieux et qui est la moins chère et pour ce que vous voulez avoir comme couverture d'assurance maladie. Si vous prenez aussi les hôpitaux en Allemagne, les hôpitaux, ils ont les mêmes tarifs de remboursement, qu'ils soient publics ou privés. Ce qui est assez logique, il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence. En France, il y a des différences considérables, de l'ordre de 20 à 30% des cas. C'est ça, 20%. Les hôpitaux publics sont bien mieux remboursés par la Sécu que ne le sont les hôpitaux privés ou les cliniques. Et les Allemands ont dit on va faire la convergence. Ils avaient le même système que nous, ils avaient des différences. Ils ont dit on va faire la convergence et ils ont, en 4 ans, ils ont réussi. Et en 2009, ils avaient terminé. Ils avaient fait la convergence des remboursements entre les hôpitaux publics et privés. Donc, alors, ça, c'est pour les économies sur le social. Oui. Enfin, non, je donne un exemple. Non, mais je vous demandais des exemples. On ne va pas pouvoir, hélas, tout brosser. Alors, il y a aussi les retraites. Les retraites, c'est aussi important, mais il est certain que dans la plupart des pays, les gens partent en retraite. En tout cas, l'âge légal de départ en retraite est plus élevé qu'en France. Ouais. Il est maintenant en train de passer à 67 ans en Allemagne. Il va passer de 65 à 67 dans beaucoup de pays aussi. Ils sont presque tous au-delà de 65. Nous, on est passé péniblement à 62 et pas pour tout le monde. Olivier Berthaud, vous voulez dire un mot ? Oui, moi je voulais revenir quand même sur la retenue à la source parce que moi je ne suis pas certain d'être tout à fait favorable à cette retenue à la source pour une raison particulière, c'est que ça rend l'impôt indolore et c'est un peu l'inconvénient que je trouve dans cette retenue à la source, c'est qu'on a vu après les méfaits justement sur les cotisations sociales, c'est-à-dire que si les salariés avaient vraiment conscience qu'il y a 60 à 70% de leur salaire qui part en cotisation sociale, je ne suis pas sûr qu'ils l'admettraient. Alors effectivement, une retenue à la source à 10%, très bien, mais après, bon, on sait ce que c'est, ça peut augmenter. Tant que c'est retenu à la source, c'est indolore. Et les gens, finalement, la population ne va pas se plaindre, se rendre compte. Au moins, quand on le déclare, bon, déjà, je pense qu'une retenue à la source n'interdit pas et n'empêche pas la déclaration, parce qu'il y aura toujours d'autres revenus, les revenus fonciers, les plus-values incompensées que les moins-values, etc. Il y aura tous les ans une régularisation. Ça, je pense que c'est inéluctable. Et puis ensuite, donc, effectivement, je pense qu'il faut l'impôt, c'est aussi l'impôt sur le revenu doit être consenti et le consentement c'est avant tout aussi la déclaration. Moi je vois plus l'impôt sur le revenu un peu comme quasiment une cotisation, comme on cotise, on adhère à une association, on verse une cotisation, on adhère à un pays, donc on paye son impôt et on le paye volontairement et effectivement on a la démarche de déclarer et de payer. Et après je pense qu'il y a d'autres impôts qui peuvent être effectivement soit prélevés à la source, soit des impôts plus efficaces comme la TVA. Je pense qu'une réforme fiscale, ça passerait aussi par une réforme de la TVA qui est un impôt en soi intelligent mais trop complexe et surtout la réforme des impôts locaux aussi par exemple qui est devenue quand même les impôts locaux. On va peut-être en parler aussi mais voilà comme c'est quand même un sujet compliqué. Jacques Bordu. Oui, là je reviens un peu sur ce qui a été dit sur les gaspillages, sur l'hôpital. Pourquoi l'hôpital coûte si cher ? Parce que quel est le président de l'hôpital ? C'est le maire. Et le maire a intérêt à faciliter Il case ses administrés, les fils, les femmes. Il casse ses électeurs. Donc, le problème serait que toutes les cliniques, et les hôpitaux et autres, soit par exemple, qui appartiennent à l'État, soient gérées par les communes, mais en payant, elle paiera le déficit. Et comme le maire ne voudra pas de déficit, donc il réglera, il n'embauchera pas à tout vent comme il le fait actuellement. Elles peuvent être gérées aussi par des entreprises privées. Par des entreprises privées. En Allemagne, ils ont privatisé à peu près un tiers des hôpitaux publics. Une centaine au moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste un petit point dans les questions de nos auditeurs qu'on a un petit peu mis de côté, encore que c'était plutôt souvent des informations plutôt que des questions. Mais c'est exact. Un auditeur disait que les travailleurs étrangers restaient moins de 6 mois, comme ça ils payaient pas d'impôts, qu'il y avait un système mis en place. Ça, je ne connais pas ce système. Je vois pas très bien de quoi il fait allusion. Il y a effectivement la fameuse règle qui veut que quand on est moins de 6 mois résident d'un pays, on n'est pas imposé dans ce pays. Mais bon, là, rester juste 5 mois et demi et partir, bon, je n'y crois pas trop. De toute manière, dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils sont 6 mois dans un autre pays, ils seront imposés dans cet autre pays. Bon, ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un système mis en place pour profiter de ça. Et quant aux primes de Noël dont nous parlait un autre auditeur, je crois que ce qui choque beaucoup les gens dans ce système de primes qui s'ajoutent à des salaires déjà tout à fait convenables, c'est qu'ils sont non imposables généralement, les primes. Ça dépend lesquelles. Alors, il y a de plus en plus de primes qui sont imposables quand même, mais on trouve toujours de nouveaux systèmes pour créer une prime qui, comme son imposition n'est pas prévue, donc c'est pas imposé. Il y a une certaine opacité, un certain flou sur ces primes en général. Et alors, parfois on trouve justement, on coupe la poire en deux, on prend la CSG-CRDS, mais on ne la soumet pas à l'impôt sur le revenu. Jacques Bourdu. Ce qu'il faut rechercher dans le système fiscal, c'est la simplicité. La simplicité et aussi l'attractivité. Si on avait un système simple, il n'y aurait pas la quantité de Français qui vont à l'étranger. Et même pour les jeunes. Hein. Actuellement, il y a 20% des jeunes sortants des grandes écoles qui veulent aller à l'étranger. La France n'est pas attractive. Alors si on fait des réformes qu'on peut proposer avec une réduction importante, il faut que la France redevienne un pays attractif. Et moyennant quoi, les problèmes sont résolus assez rapidement. Hein, dans la simplification et attractivité. Ça, c'est la base de la réforme fiscale. Et j'ai envie d'ajouter, je ne pense pas que ce soit Alain Mathieu qui me contredise, et stabilité. Je crois que dans les raisons des départs des gens, il n'y a pas simplement des gens très riches qui ont envie d'aller mettre leur argent de côté. Mais je crois qu'ils disent que pour entreprendre et pour regarder l'avenir, ça devient problématique. Et aucune entreprise étrangère ne vient en France, parce qu'on ne sait pas, un jour, il y a une certaine règle fiscale, 6 mois après, ça a changé. Donc, ça n'incite pas les gens à venir investir en France. Et en plus, les changements se font souvent avec effet rétroactif. Oui, alors ça, c'est scandaleux. C'est des choses qui arrivent. C'est parfaitement scandaleux. Et vous me disiez aujourd'hui, avant qu'on se retrouve à ce micro, que la loi des finances était quelque chose d'absolument monstrueuse. Parce que je voulais rebondir sur l'autre simplicité. Ça, effectivement, on a l'impression que déjà la première remise à plat serait effectivement la simplicité, la simplification. Il suffit de voir la loi des finances pour 2014 telle qu'elle va être publiée d'ici quelques jours. Mais c'est absolument monstrueux. Je crois que c'est pire que les années précédentes. On est parti d'un texte, avec beaucoup d'impôts en plus, mais relativement simple, et se sont accumulés les amendements, les petites dérogations qu'il fallait faire aux uns, aux autres, faire plaisir à un tel, ne pas trop... Calmer les Bretons, les Marseillais. Et il y a un nombre de mesures en plus, genre des toutes petites mesures, des mesurettes qui renvoient à tel article, etc. Je pense que le Code général des impôts va encore prendre 50 pages de plus cette année. Et ce n'est que la loi de finances pour 2014, parce que maintenant, il y a la loi de finances rectificative qui est en cours. Il y a la loi de financement de la sécurité et sociale, il y a la loi sur la retraite qui comprend aussi des dispositions fiscales, donc je pense que tout ça réunit, et en général, effectivement, pour une mesure qui est enlevée, il y en a deux qui apparaissent. Même nos chers députés qui la votent et nos sénateurs, je ne suis pas certaine que ils peuvent la comprendre. Ah non, pas possible. Alain Mathieu et après Jacques Bourdu. Juste un exemple de cette complication, la TVA va changer au 1er janvier, elle va être un peu augmentée pour le taux normal. Et pour le taux le plus bas, elle va passer de 7 à 10 %. Mais on a fait des exonérations de cette augmentation. Les HLM n'ont pas le droit, ne verront pas leur TVA augmenter de 7 à 10 %. Les cinémas, pourquoi ? Bon. La rénovation thermique. Parce que quand on habite dans HLM, il faut aller au cinéma pour se consoler, à mon avis. Les travaux de rénovation thermique vont rester à 7% et non pas 10%. Et tout le reste va passer de 7 à 10%. Donc il y aura combien de taux, là? On va arriver à combien de taux de TVA? En comptant ceux qu'il y a outre-mer, on est entre 10 et 12 taux, à peu près. On n'est pas dans le taux unique dont on parlait tout à l'heure. La simplification, ça doit ramener la fiscalité à un nombre réduit d'impôts. Hein, parce que quand on fait une réforme, tous les petits impôts qui rapportent rien, il va falloir les supprimer. Alors, lié à la taxe plate, il faut faire d'autres réformes. Il faut supprimer un certain nombre d'impôts. Il faut commencer par l'ISF. Hein. L'ISF, ça rapporte 4 millions, mais ça fait fuir beaucoup de gens. 4 milliards, pardon. Alors, moi, dans mes propositions, on supprime l'ISF, on supprime les droits de succession en ligne directe. Alors ça se fait au Canada et dans la moitié des cantons suisses. Et la troisième, les plus-values de quelque nature que ce soit, hein, on les met à la flat tax, c'est-à-dire jusqu'à 300 000, 10% et au-delà le taux de la flat tax. Les plus-values font partie des revenus, donc quand on parle de flat tax, c'est tous les revenus, donc pourquoi pas les plus-values. Alors on règle le problème des plus-values, on règle le problème des successions en ligne directe, on règle des tas de problèmes. Toutes ces mesures, c'est au moins 50 000 fonctionnaires en moins au ministère des Finances. Ça, c'est important. Hein. C'est là où ils risquent de se battre pour les garder. Oui, alors, non, je ne sais pas s'il y aura des remous, mais l'une des mesures très importantes, c'est donc la réforme des retraites. Il faut faire une vraie réforme des retraites, hein, en mêlant le public et le privé. Hein, et ça peut se faire que par référendum, parce que tout le monde va aller dans la rue. Ça se fait le lendemain d'une élection par référendum. Hein, c'est-à-dire un système unique. Alors le système unique, c'est simple. J'avais fait une étude qui était appuyée par... sauvegarde retraite hein, sur... Alors là, on n'est pas sur les retraites, Jacques Bourdieu. Je sais que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. On peut en parler tout à l'heure. On peut en parler. Il y a une économie absolument considérable qui serait d'aligner celle des fonctionnaires sur celle du privé, puisqu'il n'y a aucune raison, après tout, qu'ils aient des retraites différentes. Parce qu'il y a la réforme de la fonction publique. On a toujours la réforme Torres de 1946. Hein, donc là, on peut en parler aussi, hein, le système des fonctionnaires. Alors, je me suis juste permis de vous arrêter, parce que vraiment, je voudrais qu'on reparte sur la réforme. Oui, oui, oui. Je voulais me tourner vers Alain, puisque c'est une question qui a été évoquée tout à l'heure. Alain Mathieu, qui est un spécialiste des collectivités locales, il nous a souvent fait d'excellentes suggestions à contribuables à associés. Et donc, une vraie réforme fiscale devrait bien évidemment, je pense, à vos yeux, inclure une réforme de la fiscalité locale. Peut-être qu'on pourrait en dire un mot, et bien évidemment, Jacques Bourdieu, vous pourrez réagir à tout moment. Benoît, c'est certain. Certains, la fiscalité locale est probablement une des plus archaïques qu'il y ait en France. Quand vous regardez les principaux impôts qui vont aux collectivités locales, il y a l'impôt foncier, il y a la taxe d'habitation, ils sont basés sur des valeurs locatives. Et ces valeurs locatives, elles ont été mises à jour pour la dernière fois en 1970. Alors on les réajuste, on augmente leurs valeurs tous les ans, en fonction de l'inflation, mais en fait, on garde les valeurs. Or, il y a des quartiers où ça a beaucoup changé. Des quartiers qui sont devenus beaucoup plus chers qu'ils ne l'étaient, ou d'autres beaucoup moins chers. Donc, on devrait tenir compte de l'évolution de ces valeurs. On n'en tient absolument pas compte. Et donc, il y a une injustice très grande dans les valeurs locatives qui servent de base aux principaux impôts locaux pour les ménages. Sans compter qu'après, ce sont les collectivités locales elles-mêmes qui choisissent les taux, et c'est-à-dire que les collectivités locales riches, là où sont les gens riches, prennent des taux bas parce qu'ils ont moins besoin d'argent, et les collectivités pauvres votent des taux élevés, alors que justement, ce sont des collectivités où habitent des gens pauvres. Donc il y a une contradiction en plus dans le mode de calcul de ces impôts locaux, en plus effectivement de l'aberration du caractère totalement obsolète des valeurs qui sont retenues. Oui, alors pour que nos auditeurs comprennent bien, je sais qu'ils les payent, les taxes d'habitation, les taxes, s'ils sont propriétaires, les taxes foncières, mais simplement un bref rappel, donc il y a quatre taxes. Il y a la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc pour les propriétaires d'un immeuble, d'un appartement, d'une maison, taxe foncière sur les propriétés non bâties, donc sur les terrains et sur les terres agricoles, la taxe d'habitation, là, qui est payée quasiment par tout le monde là où on habite, par contre c'est celle qui bénéficie du maximum d'abattement parce que c'est vraiment en fonction du revenu, en fonction du nombre de personnes à charge, etc. Alors que la taxe foncière, c'est uniquement à partir de la valeur théorique du bien. Et la quatrième, c'est l'ancienne taxe professionnelle, la taxe sur les patentes, qui est maintenant la contribution économique et territoriale payée par les entreprises, à la fois en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise et en fonction de ses biens fonciers. On l'a simplifié, c'est-à-dire qu'on en a mis deux au lieu d'une. Voilà. Oui, tout oui, à voilà, fait. Exactement. Quel voilà. pourrait être, Jacques Baudu, quelle pourrait être une fiscalité locale d'une simplicité aussi grande que la taxe plate alors, que attendez, vous proposez alors là, attendez, la première chose à faire... Dans la complication, il n'y a pas seulement la vétusté de ces impôts ou de ces valeurs locatives. Il y a aussi le fait qu'il y a un petit bout de chacune qui va aux différentes collectivités locales. Oui. Voilà. Vous avez un petit bout de taxe foncière qui va aller au département, la région, la commune, etc. Enfin, donc, la taxe professionnelle, une partie va à la communauté de communes. Enfin, tout ça, c'est très compliqué. La répartition de ces impôts est faite de façon... ultra compliqué. Sans compter qu'il y en avait 4 à l'origine, qui sont devenus quasiment 5, et qu'il y en a des petites qui s'y sont adjointes, comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui prend de plus en plus d'importance, la taxe de balayage, l'impôt forfaitaire sur les réseaux, enfin bref. Taxe sur les mutations aussi. Taxe sur les mutations qui sont importantes. Donc pour résumer, si je puis me permettre, en une formule un petit peu lapidaire, on ne sait pas exactement comment est calculée la taxe que l'on paye, et on ne sait pas où elle va. C'est une loterie. Les impôts locaux, c'est une loterie, et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les impôts locaux rapportent autant que l'impôt sur le revenu. Jacques Bourdieu. Oui, alors, avant de parler de fiscalité des collectivités locales, il faut revoir les structures. Or, le millefeuille, ça ne peut pas durer. Enfin, pendant 150 ans, on a vécu avec deux éléments, le département et la commune. La commune et le département. Alors, depuis, on a ajouté, à côté du département, on a ajouté la région, on a l'intercommunalité, et maintenant, on ajoute... Qui a aussi sa fiscalité. Oui, oui, chacun sa fiscalité, chacun ses fonctionnaires, ses présidents, et maintenant, on ajoute des métropoles. Alors, métropole, c'est entre la région, le... c'est une complication. Donc, à mon avis, il faut revenir à deux entités. Hein, la commune, mais il faut prendre des communes plus agrandies, car on a 36 000 communes, dont 11 000 de moins de 200 habitants. Donc il faut rapprocher les communes pour faire des unités viables. Et puis ensuite, département-région, prendre le département ou la région, une mix des deux. Moi, dans un livre, j'avais proposé quelque chose de nouveau, ça faisait 28 nouvelles régions, etc. Donc c'est pas le problème. Donc il faut deux choses. La commune et une unité département ou région. On aurait déjà moins d'entités à qui Exactement. Répartir les impôts. Donc là, les ce serait déjà une économie considérable. Parce que Mais sur la fiscalité, alors, maintenant, la comment fiscalité, verriez-vous une fiscalité chacune, simple chacune de ces deux unités ayant un impôt pour elle-même, un impôt affecté. Alors pour la commune, il faut prendre ce qui se passe à peu près dans le monde entier, c'est-à-dire une taxe foncière. La taxe foncière, c'est à peu près dans tous les pays du monde. Absolument. Alors, il n'y a pas de taxe d'habitation dans les autres pays, Alain Mathieu. Non, ils n'ont pas de taxe d'habitation. Alors, attendez, je reviens sur la taxe foncière. Alors, la taxe foncière, aux États-Unis, par exemple, en Californie, il y avait une taxe foncière de 3-4%. Les gens trouvaient que c'était écrasant. Ils ont fait un référendum pour 1%. Et les gens ont dit que ça va être la ruine du pays. Ils ont ramené la taxe foncière à 1% et le pays n'a jamais eu autant de prospérité. Donc c'est un taux raisonnable, pour voir moins 1% de la valeur vénale allant à la commune. Et ça se substitue à tout. La seule ressource de la commune, c'est la taxe foncière. Alors, donc libre au propriétaire de la répercuter sur son locataire. Exactement. Alors on peut dire éventuellement une partie est au locataire en sous forme de taxe d'habitation. Mais la chose simple, c'est le propriétaire qui paye, il le remet dans la location qu'il conçoit. Voilà, ça devient son problème et sa responsabilité. Une vraie taxe foncière, comme disait Alain Mathieu, actuellement c'est des valeurs locatives de 70, il faut prendre les valeurs récentes, les valeurs vénales, et c'est facile à connaître les valeurs vénales, un quartier par quartier, etc. Donc il y a une solution d'ailleurs, c'est de ne pas demander à l'administration de faire l'estimation de la valeur. Oui, on la déclare. Un peu comme on fait avec la... Avec l'ISF, on le fait. Avec les droits de succession, c'est pareil, c'est déclaré. Ah, oui, ouais, c'est bon. Ça. Alors attendez, alors là, c'est pour la commune. La commune a grandi. Hein. Bon, alors ensuite, pour l'autre entité, c'est-à-dire, mettons, le département-région, hein, là, il faut trouver un impôt qui soit lié à l'activité des entreprises. Alors moi, dans mes calculs, j'avais une restitution d'une part de la TVA à cet échelon de collectivité locale. Donc c'est à revoir. Mais il faut que chacune ait un impôt. Alors, libre, le rôle de l'État, c'est quand même de fixer des plafonds, hein, pour pas qu'il y ait des exagérations. Alors, je veux dire aussi que les impôts locaux ont augmenté d'une manière considérable. Actuellement, les gens comparent l'impôt local à l'année d'avant, mais c'est pas valable parce qu'il y a une élection. Faut prendre l'impôt qu'on paye cette année avec l'impôt qu'on payait il y a 5 ans. Moi, j'ai fait un calcul, il y a eu 40% d'augmentation. À ce sujet... Alain Mathieu. Merci Jacques Bourdieu. Alain Mathieu. Tous nos auditeurs seront sans doute intéressés de savoir que Contribuable Associé fait la publication d'un argus des communes. C'est-à-dire que il y a, pour chaque commune, toutes les 36 000 communes de France, il va y avoir une note affectée à chaque commune qui va leur permettre de savoir si leur commune ou si leur maire est bien est dépensier ou n'est pas dépensier. Alors ça sera basé principalement sur le niveau des dépenses totales de la commune comparé à des communes comparables, mais il y aura aussi beaucoup d'autres informations sur ce site qu'ils pourront trouver. C'est sur le site de Contribuables Associés. On clique sur « Votre maire est-il dépensier ?» et on trouve de très nombreuses informations, notamment les taux des impôts. Les impôts dont on vient de parler, leur évolution depuis 2008, puisqu'on a mis les 5 dernières années, on a fait le dernier mandat des maires, est donné aussi. La comparaison avec d'autres communes, donc toutes ces informations pourront être, c'est à partir de la semaine prochaine qu'il y aura ces informations disponibles très facilement, très simplement. Vous avez juste à donner le nom de la commune, même pas le nom, les 3 premières lettres suffisent, et vous avez toutes ces informations disponibles pour pouvoir préparer les élections. Ça sera bien utile, je pense, pour savoir comment le maire se situe par rapport aux communes de taille comparable. Oui, et je me suis réjoui, juste un petit mot, Jacques, je me suis réjoui, Alain Mathieu, de voir dans la presse un sondage, je crois que c'était Opinionway, qui interrogeait les gens pour savoir leur motivation pour le vote au municipal. Et pour la première fois, il apparaissait en première motivation le niveau des dépenses et de la fiscalité. Et donc, je dois dire que là-dessus, on s'est beaucoup réjoui à Contribuables Associés. Alain Mathieu n'était pas étranger à toute cette politique. Je pense que le fait d'avoir publié il y a un an, parce que donc là, on est en train de mettre les notes 2012. C'est pour ça qu'il sera disponible la semaine prochaine. Mais il y a déjà un nom que l'on a attiré l'attention de la... J'allais dire de tous les Français, parce que nous, on le met pour les internautes qui viennent sur notre site. Mais je me tourne vers Marie qui a... L'adresse du site de Contribuables Associés, donc c'est contribuable.org, contribuable.org, et vous trouverez ensuite très facilement l'entrée vers l'Argus des communes en cliquant sur « Votre maire est-il dépensier ?» Voilà, donc je pense que c'est important et c'est vrai que ça a été énormément repris par la presse locale. Donc je veux dire, on est sorti du cadre habituel des gens qui suivent Contribuables Associés, parce que, bien sûr, c'est toujours très amusant pour la presse de pouvoir publier la note du maire. Alors bien sûr, le maire répond, et parce qu'il y a une association de contribuables, vous imaginez que la polémique s'enflamme, et donc... On s'est fait engueuler par pas mal de maires aussi. Ah, 100%. Faire engueuler, on sait pas. Quand ils ont une mauvaise note, ils sont jamais contents. Mais, par contre, ceux qui ont une bonne note sont très contents. Mais aussi ceux qui nous ont fait des remarques, on en a tenu compte et on a amélioré le volume d'informations qui est donné de façon à ce qu'on puisse répondre à toutes les critiques. Oui, alors les Jacques collectivités Bourdieu. Locales, les dépenses, je crois qu'en 20 ou 25 ans, ont doublé. Alors, il y a un élément important, c'est que les lois de décentralisation qu'on a des pouvoirs ont favorisé le clientélisme, le copinage, etc. Et puis des investissements inutiles. Les étrangers qui viennent en France sont surpris par le nombre des ronds-points aménagés. Il y en a partout. Et souvent, La moitié des ronds-points qu'il y a dans le monde sont en France. Ouais, exactement. Alors, y a autre chose. On pourrait proposer ça à des touristiques de venir visiter des ronds-points français. Des petites communes qui ont d'énormes salles des fêtes qui ne servent jamais. Il y a des cours de tennis, vous passez à côté, il n'y a à peu près jamais personne. Tout le monde a sa piscine, etc. Donc c'est un gâchis énorme. Donc, il faut que ce soit réglé et l'impôt sera fonction des dépenses. Alors, les dépenses, elles sont énormes. Et les dépenses des collectivités locales n'ont pas baissé. Sous le régime Sarkozy, on a baissé à peu près de 35 000 fonctionnaires par an pour l'État. Et en même temps, les collectivités locales augmentaient le nombre des fonctionnaires de 50 000 par an. Etc. Donc, C'est un gaspillage et éhonté. Mais sans doute que si on arrivait à un impôt par collectivité, comme vous le proposiez, exactement. Je crois que on a fait le même type de proposition. Chacun la maîtrise de ses dépenses. Il aurait en plus la responsabilité de ses prélèvements. Et je pense qu'il serait plus prudent vis-à-vis de l'électeur qui, là, n'y voit que du feu, comme l'a expliqué Alain Mathieu, entre c'est tout ça. Alors, vous voyez un investissement. Il y a une pancarte, mais c'est financé à 20% par la commune, à 20% par le Conseil général, par l'Europe, etc. Des financements mêlés, on n'y comprend plus rien. Donc il absolument, faut je pense que c'est volontaire. Alors, tout ça, il y a des réductions importantes. Je saute sur un autre sujet pour montrer la possibilité de réduire. C'est l'histoire de l'éducation nationale. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je vois arriver plein de questions des auditeurs. Donc, on ne va pas attendre tout à fait la fin de l'émission, comme on l'a fait, hélas, tout à l'heure dans la première partie. On va poser les questions des auditeurs. Surtout que je commence par celui qui me menace, je ne lis pas. Madame Taffin, il faudrait par exemple supprimer les subventions de toutes les associations, qu'elles soient nationales, régionales, départementales d'accord. ou municipales. D'accord. On pense que l'association, l'essence même de l'association, c'est de vivre des cotisations de ses adhérents. Contribuable associé ne reçoit pas de subvention, donc ça ne nous gênerait pas. Ah oui, vous avez raison d'ajouter ça. Mais c'est vrai qu'en plus, on l'a écrit. Et là-dedans, il y a les syndicats. Il n'y a aucune raison que ce soit le contribuable qui finance. Alors, c'est même les premières associations à qui il faudrait supprimer les subventions, les financements public, on est bien d'accord. D'autres commentaires. Une auditrice. Un autre avantage avec le taux unique d'imposition serait que, comme c'est très transparent, personne ne peut voler les autres. En tout cas, ça serait, je crois que Jacques Bourdieu l'a dit à plusieurs reprises, ça serait beaucoup moins tentant parce que ça serait simple. C'est vrai que là, je pense que ce que veut dire l'auditeur, c'est qu'à travers les niches, les défiscalisations, on a un système tellement compliqué qu'on est tenté d'échapper soi-même. Alors évidemment, l'auditeur pense que du coup, c'est l'autre qui paye. Vous avez raison parce qu'on ne l'a pas dit, mais au préalable, il faut supprimer toutes les niches. Ça va de soi. Vous avez raison de le dire. C'est 70 de quoi je vis, moi, après. Anna Mathieu. Oui, il ne faut pas rêver non plus. Même dans les pays qui ont l'impôt à taux unique, il y a encore des niches. Je vais vous dire, en Russie, qui a un impôt sur le revenu à 13%, il y a quand même des niches sur l'achat de logements, sur l'éducation, sur les dépenses de santé et sur les dons aux œuvres caritatives. Donc, il restera peut-être quand même quelques niches, mais il y en aura beaucoup moins. Mais pourquoi voulez-vous pas qu'on fasse mieux ? Vous nous dites toujours que notre système utopique, ailleurs, ils font plus compliqué. Pourquoi ne serions-nous pas, pour une fois, exactement. Un pays exemplaire ? On va essayer. Mais l'impôt... Attendez, parlez pas plusieurs fois. Olivier Berthaud. Déjà parce qu'il faudrait quand même que les fiscalistes puissent continuer à vivre un peu quand même. Ah oui, alors là je vois effectivement que Olivier commence à s'inquiéter pour son emploi. Vous avez raison parce qu'il y a quelques années j'en ai fait un livre parmi les nombreux et je l'avais donné à un avocat, je l'avais envoyé. Et je l'ai vu, il m'a dit mais c'est scandaleux. Avec votre système, moi il faut que je change de métier, je ne peux plus vivre avec ça. L'impôt doit être compliqué, très compliqué. Un autre auditeur, partout où l'impôt est passé à la retenue à la source, on a constaté dans les quelques années suivantes une augmentation de l'impôt en général de l'ordre de 20%. Alors c'est un petit peu... Alors la retenue à la source, vous avez peut-être raison. Il dit une augmentation de l'impôt. Je crois que ça illustre ce que craignit Olivier Berthaud, c'est qu'une fois que l'impôt est indolore, on l'augmente. Et c'est l'irresponsabilité. Autre question ou remarque ? Un long commentaire. Ne vous faites pas d'illusions. Les impôts ne baisseront pas pour les deux raisons suivantes. La première, le gouffre gigantesque a été creusé par tous les gouvernements de la Ve République qui ont vécu et gouverné au-dessus des moyens des Français. Vrai. Deuxième point, le pillage fiscal des Français est la condition sine qua non pour garantir les prêts offerts par les nababs du Moyen-Orient dont nos gouvernants ont besoin. Et... ces damabes qui n'avaient rien ont mis à genoux une centaine de millions d'Européens. Oui, enfin écoutez, ça n'engage que l'auditeur, c'est plutôt à l'envers, c'est parce qu'on a fait d'horribles déficits et une horrible dette qu'on a eu besoin d'emprunter de l'argent, y compris à l'étranger, et non pas l'inverse, mais bon, voilà. Il y a une part de vérité dans ce que dit Anna Mathieu. C'est vrai que si le gouvernement français peut assez facilement emprunter... Et finalement, avec des taux qui sont raisonnables, hein, on est un peu plus élevé que les Allemands, mais pas beaucoup. C'est en grande partie parce qu'on a des impôts très élevés, et ça c'est vrai. Hein. Il a raison. Oui, mais on emprunte parce qu'on a des services fiscaux qui peut-être qu'ils font bien leur métier, je sais pas, mais en tout cas qui sont équipés des moyens de coercition considérables qu'on ne trouve pas dans tous les pays. D'accord, mais ne nous trompons pas de combat. Donc on peut emprunter pas cher parce qu'on a une bonne machine fiscale, mais l'objectif est quand même de ne pas avoir de déficit et moins de dettes pour ne plus avoir à emprunter. Excusez-moi, quand même, il faudrait peut-être pas se tromper de combat. Jacques Bourdieu, après d'autres questions. Vous avez parfaitement raison, il faut quand même savoir qu'on emprunte chaque année 200 milliards. Hein, autrement dit, c'est les impôts à rembourser plus le déficit de l'année, 200 milliards. Alors on emprunte entre 2 et 3%, je crois quelque chose comme ça, hein. Donc c'est encore pas très cher. Mais le jour où on va pas percevoir qu'on est au bout du compte, qu'on ne suit pas nos engagements, ça risque de doubler. On risque de se trouver à 5, 6% comme les Espagnols, les Italiens. Ça va être une catastrophe. Les intérêts de la dette coûtent déjà 50 milliards par an. Hein. La quasi-totalité de l'impôt sur le revenu. Oui. Et pour avoir la confiance des marchés financier, il faut faire des réformes de structure concernant la baisse des dépenses. Ils nous guetteront sur la baisse des dépenses. On y revient toujours. Alain Mathieu. C'est ce qu'ont fait les Espagnols et leur taux des impôts, d'emprunt maintenant est passé de 7,5% à 4,5%. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Parce que les marchés financiers ont bien vu qu'ils prenaient des mesures énergiques pour baisser leurs dépenses. D'autres remarques ou questions? Notre auditeur, concernant les valeurs locatives, l'étude de leur modification a été effectuée plusieurs fois, réétudiée, mais cela n'a jamais abouti. Et il suggère, ne faut-il pas aussi réduire le nombre des représentants de la nation, des parlementaires? On est tous d'accord. Ça serait une des premières mesures. La France a 557 députés, les États-Unis pour une population 577. Et quand on fait la pyramide de tous les élus, depuis les élus locaux jusqu'aux conseillers généraux, en passant par les conseillers généraux, les conseillers régionaux, et qu'on arrive aux députés européens, on a un nombre de représentants absolument faramineux et inutile. Oui, plus de 500 000. Oui, plus de 500 000, tout à fait. Une auditrice dit « La taxe d'habitation n'existe en France que depuis la Révolution. Et nous sommes sans doute les seuls à devoir payer pour habiter notre pays. » Très bonne remarque. On disait tout à l'heure donc une simple taxe foncière. Là, on supprime la commune uniquement la taxe foncière sur la valeur vénale, 1% maximum. Là, on change de registre. Une autre auditrice nous dit, comment peut-on être sûr du chiffre de 10 millions de cartes vitales en trop? Ce chiffre est toujours celui qui est avancé parce qu'il a dû paraître à un moment ou à un autre, je pense, dans un rapport. Je crois qu'il a, si mes souvenirs sont exacts, il a été extrapolé. Il y a eu, c'est impossible de les compter. C'est comme la fraude, hein. Ce qui est frauduleux, c'est très difficile. Mais je crois que il y a eu des extrapolations à partir de cartes saisies et de fraude à la carte dans une caisse et ensuite on a extrapolé le nombre. Mais voilà, c'est une réponse très approximative. Il a été cité par plusieurs ministres de la Santé. Donc, tout à fait. C'est pas nous qui l'avons inventé. Un autre auditeur a un bon truc. Il dit, pour moi, un truc très simple, diminuer suffisamment les charges sociales pour supprimer la CSG. Comment? Je vous lis ce qu'il a écrit. On pourrait parler... Une charge sociale par elle-même. On pourrait dire une chose là-dessus. On supprime la CSG, donc on a la flat tax qui se substitue. Donc ce que paye la CSG, dans un premier temps, c'est l'État qui le paiera. D'accord. Mais il y a quelque chose qu'il faut supprimer tout de suite, c'est très important, c'est les allocations familiales. Les allocations familiales, les cotisations des entreprises, c'est 32 milliards, je crois. Donc il faut supprimer ça tout de suite. Tout de suite. Vous êtes d'accord avec plusieurs membres du gouvernement qui veulent supprimer le quotient familial? Oui. Alors, la suppression du quotient familial, je peux en parler là-dessus, parce que notre système de la flat tax, la taxe plate, ça supprime le quotient familial. On dit c'est scandaleux. Alors, il faut reconnaître que le quotient familial, c'est pas valable pour les nécessiteux qui payent pas d'impôts. Donc, ils ont pas de réduction par le quotient familial. Moi, mon propos, c'est de dire, je prends des allocations familiales distribuées par l'État à tous les enfants à partir d'un an, parce qu'en France, c'est 2 ans. C'est 1 an à la Martinique et la Guadeloupe, mais en France, c'est 2 ans. Bon, de mêler les allocations actuelles et le montant de l'impôt évité par le quotient familial et de faire une nouvelle cotisation versée à égal par enfant, enfin, à égal, l'enfant du pauvre ou du riche touchera la même chose. Voilà. Ça, c'est une réforme importante. Les allocations familiales, c'est depuis la naissance, hein, c'est dès la naissance. Hein. Oui, la naissance, mais ça, au premier enfant, vous ne touchez rien. Ah, par contre, au premier enfant... C'est à partir du deuxième, c'est scandaleux, en Martinique, Guadeloupe... Ah, c'est ce que vous vouliez dire, pardon, d'accord. C'est pas 1 an, 2 ans, c'est 1 enfant, 2 enfants. Oui, oui, c'est parce que vous... On parle de tellement de choses, mais je crois qu'on s'est compris. Voilà, c'est un enfant à la Martinique, à la Guadeloupe, 2 enfants. Enfin, non, je crois que ce qu'a voulu dire, si je ne sais pas si j'interprète bien ce que voulait dire cet auditeur, c'est que les entreprises ont des charges extrêmement... lourde parce qu'on paye, on doit payer effectivement la politique familiale, on doit payer la sécu, on doit payer les retraites, on doit payer le logement. Et je crois que c'est ce qu'il veut dire, c'est que si on allégeait toutes ces charges pour lesquelles on n'est pas forcément demandeur, on évoquait tout à l'heure la concurrence de la sécurité sociale et la liberté de s'affilier à d'autres caisses, si on arrivait à faire des économies sur tout ça, effectivement, les charges baisseraient, non pas parce qu'on le reporte sur autre chose, mais parce qu'on aurait moins de choses à payer. Je pense que c'est ce que veut dire cet auditeur. D'ailleurs, c'est pas normal que ce soit les entreprises qui payent la politique familiale. Bon, ça, c'est un premier point. Donc, ces 32 milliards vont être utilisés pour baisser le coût du travail. Ça, c'est considérable. Alors, pour baisser le coût du travail, il faudrait aller plus loin. Donc, il y a ces 32 milliards, puisqu'on supprime ces allocations et ces cotisations. C'est la TVA. Alors la TVA, il faudrait augmenter la TVA de 2 points. Mais ça ne pourrait pas se faire dans l'immédiat, ça peut se faire quand les autres réformes Donc sont faites. Donc vous ne faites pas... 2 points de TVA, ça fait 1 point de TVA, c'est entre 7 à 10 milliards. Alors les 32 milliards d'allocations familiales qu'on ne paye plus et 2 points de TVA, là, à ce moment-là, le coût de l'heure d'ouvrier va baisser d'une manière très importante et on sera beaucoup plus compétitif. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Hein. Ils ont supprimé les cotisations pour les allocations familiales, payées par les entreprises, et ils ont remplacé effectivement une partie par une augmentation de la TVA. 2 points de TVA, il faut rappeler que les pays nordiques qu'on admire souvent, ils sont à 25% de TVA. Hein. Là, on passe à 20, on passerait à 22, d'entrée, mais quand les premières réformes sont en place, ce serait très bien. Revenons quand même à une baisse des dépenses qui éviterait, c'est-à-dire qu'on pourrait baisser les charges sans augmenter la TVA, si ça ne vous ennuie pas. Oui, la baisse des dépenses, je permettrais de donner un exemple très important. Et on va repasser aux questions, si vous voulez. Parce qu'il y a encore des auditeurs qui vont se fâcher si on ne pose pas leurs questions. Ou si on si on ne donne pas leurs remarques. Oui, c'est plutôt des commentaires. Notre auditeur nous dit 10% d'impôt pour tout le monde, enfin la taxe plate. Et alors le salarié smigard devra demander à sa mairie une aide spéciale. Il faudra donc encore plus de fonctionnaires. Pour les gérer, j'imagine. Je crois que ce n'est pas tout à fait ce que l'on expliquait tout à l'heure. Notre auditeur... une auditrice, pardon. Niche fiscale égale don aux œuvres, avec un point d'interrogation. Elle dit non, c'est une façon de disposer librement de l'utilisation de l'impôt payé. Par contre. Je suis assez d'accord. Je ne mettrai pas la défiscalisation des dons dans les niches fiscales, mais plutôt on l'a appelé quelquefois contribuable associé, un impôt choisi. Les dons, vous ne devez pas avoir de niche fiscale pour les dons. Enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est la liberté. On le met sous le label niche fiscale et on peut dire qu'après tout, c'est une partie de votre impôt que vous affectez vous-même. Oui, exactement. Ce qui est un peu différent. Je trouve que l'auditrice n'a pas tort, personnellement. Et alors, elle continue. C'est un peu compliqué. Il faudrait que les déductions pour dons interviennent après la totalisation de toutes les déclarations de revenus du foyer. C'est le cas, effectivement. Mais c'est vrai qu'un peu le piège de ces réductions d'impôts pour dons aux œuvres, c'est qu'après les œuvres et les associations sont un peu quelque part dépendantes de l'impôt sur le revenu et de l'ISF. Le jour où l'impôt sur le revenu et l'ISF disparaissent, les gens qui avaient l'habitude de défiscaliser en faisant des dons risquent d'arrêter les dons. Après, il faut expliquer aux gens qu'il y a moins d'impôts, donc ils ont plus de disponibles, donc il faut qu'ils continuent à donner aux œuvres. Mais et ça sera encore là, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il y aurait probablement un problème, et, les, et l'ISF que l'on peut donner à un certain nombre de fondations ou aux entreprises, c'est vrai que c'est un piège aussi. Parce voilà, que c'est si ça, c'est un piège. L'ISF, voilà. Mais enfin, je pense qu'il faut repartir à un simple bon sens et dire que c'est parce qu'on a trop d'impôts qu'on a fait ces aménagements. Exactement. Attendez. Encore des remarques des auditeurs. Il m'en reste, une auditrice dit beaucoup de soi-disant charges sociales n'en sont pas. Ainsi, ce que paient les patrons, obligés de payer jusqu'à 3 fois le salaire de l'employé. Oh, il paye beaucoup, c'est mais c'est peut-être fois, pas ça quand même. Plus de ça double, ça double à peu près. Je crois qu'un employeur, en gros, paye ce qu'on pourrait appeler le salaire complet, est à peu près le double du net. Si vous avez 1000, ça fait 1800 le salaire Alain, complet. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, ça dépend du niveau de salaire. Parce que pour les bas salaires, il y a ce qu'on appelle les allègements Fillon. Encore une petite niche. Jusqu'à 1,6 SMIC. On paie moins de charges sociales patronales. Mais autrement, sur les salaires moyens, tu as raison, c'est de l'ordre presque du double. Oui. C'est-à-dire que le coût pour l'employeur est à peu près le double de ce que reçoit en net. Net avant CSG, quand même, que reçoit l'employé. Oui. Jacques Bourdieu, vous voulez dire un mot ? Je voulais parler des dépenses en général, les possibilités de réduction. Je vais prendre le cas de l'éducation nationale. Récemment a paru une étude de l'IFRAP, qui est une fondation... Enfin, on connaît bien, dont on parle souvent ici. Très bien. Ils ont fait une étude sur le coût de l'éducation comparée primaire et secondaire de l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Or, on arrive pour le même nombre d'élèves que l'Angleterre et l'Allemagne payent 30 milliards de moins que chez nous. 30 milliards de moins que chez nous. Et dans les études PISA, donc ils sont pas plus mauvais que nous, ils sont plutôt meilleurs. Et les enseignants sont payés 20 à 30% de plus que chez nous. Là, c'est là un problème. Un exemple qui montre qu'il y a un gâchis fantastique chez nous. Mais attendez, les enseignants, ils travaillent plus longtemps aussi. Il faut les faire travailler, il faut les payer plus et les faire travailler plus, c'est dans évident. Dans les autres pays, je veux dire. Dans les autres pays, ils sont. Bien sûr. C'est à temps complet. Jacques Bourdieu, vous avez raison. Ça montre un exemple qu'il y a de quoi faire. Mais si vous voulez, à longueur d'émission, ici dans le Libre Journal des Contribuables, c'est vrai qu'on reçoit des gens et qu'on dénonce les dépenses inutiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous avait plutôt invité comme expert fiscal. Voilà, on avait envie de parler de fiscalité exceptionnellement. Vous aviez encore une remarque. Une dernière, un auditeur qui dit: pourquoi n'invitez-vous jamais des gens du Front National qui pourraient expliquer leur programme? Mais c'est totalement inexact, puisque j'ai eu Jacques Bompard, qui ne l'est peut-être plus, mais qui en était proche et issu. Et j'ai bien évidemment invité, il est venu tout de suite, l'avocat Gilbert Collard. Donc ses auditeurs n'ont pas entendu ces émissions-là. Et pour l'instant, je suis suspendu au téléphone du collaborateur de Marion Maréchal Le Pen, qui ne m'a pas encore répondu favorablement. Donc il n'y en a que 3. Je ne peux pas en inviter, je ne peux pas les inventer, les autres. Et j'en ai déjà eu 2 sur 3. Voilà, ça, c'est la réponse à cette auditrice. Nous devons rendre l'antenne dans 3 minutes. Donc, messieurs, je ne vais plus vous donner la parole. Je voudrais quand même, avant de vous quitter, vous remercier tous, parce que je crois qu'on a fait une bonne émission et que le nombre des questions le prouve, sur des sujets qui n'étaient pas forcément faciles. Donc un très grand merci Olivier Berthaud de nous apporter toujours des précisions. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Au nom du fisc, où il y a absolument sont passés en revue tous les impôts et toutes les taxes, et en plus vous l'avez rendu extrêmement agréable à lire, presque amusant, j'ai envie de dire, ce qui était quand même une gageure. Donc, les livres d'Alain Mathieu que j'ai cités, ces mythes qui ruinent la France, c'est le dernier. Bien, vous pouvez nous les demander en nous appelant à Contribuables Associés au 01 42 21 16 24. Je répète, 01 42 21 16 24. Comme vous pouvez bien sûr nous demander les 2 monographies écrites par Jacques Bourdieu qui n'ont pas pris une ride. Il y en a une qui date de 2011, pour sortir de la crise, moins d'impôts et moins de dépenses publiques. D'ailleurs, vous l'aurez compris, il est pour moins de dépenses publiques.